On va parler de la Ligue junior régionale avec notre ami du Pierre Gay de la Ligue JMS. Salut Pierre. Salut, allez. On rappelle évidemment que cette chronique est une commandite d'identification sport. Donc pour tous vos besoins et vos équipements, que ce soit pour des équipements de voyage ou des sacs de voyage chez équipementsport.com qu'il faut contacter. Pierre, on est actuellement dans les séries, dans les grandes, dans le crunch quoi qu'on dirait. Et les séries se poursuivaient hier avec les Marquis qui ont défait les Aiglons 6-1. Ouais, il y aura soir, Si, c'était on parle du midget. la dernière rencontre du midget. Ouais. Les Marquis, en l'emportant, il y aura soir, vont être nos représentants au championnat provincial. Ah, OK. Et, on remporte la série 4-0. Et présentement, hier soir, le joueur le plus utile des séries a été le jeune Tristan Gilbert. OK. Donc, on peut dire que les Marquis ont dominé la Ligue cette saison. Il ne faut pas s'en cacher. Presque pas de défaite dans la saison, dans game des séries. Je pense que là, la seule grosse opposition qu'ils ont eue dans les séries, c'est venu de Saint-Félicien. OK. Ah ouais, puis qui était surprenant. Ils les ont chauffés. Oh, oui. Ouais. Est-ce que les Castors auraient fait mieux que les Aiglons? Je sais pas. Ben alors, c'est bien en 20 ans. Moi, je trouve que Alma sortait d'une grosse série, puis on recommençait. Le lendemain, tout de suite, à jouer à midi et quart, tu sais, quand tu sortais le soir d'une série où tu avais joué deux games en trois soirs, ça a été dur. Mais peut-être que Dolbeau aurait peut-être fait mieux, mais Dolbeau ne voulait pas jouer contre les Marquis. Il voulait pas jouer ou bien il pouvait pas? Non, il voulait pas. Ah ouais? Il était pas déçu non plus d'avoir perdu. Mais non, OK. Ben, avec tout ce qui s'était passé cette année, c'est vrai, hein? Ouais. Les Castors. C'était pas des gros joueurs. Les Marquis ont des gros joueurs, ils ont des bons joueurs. Puis, pour être une équipe gagnante, il faut que tu sois arrogant. Mm. Puis, eux autres, ils ont tout. OK. Est-ce que tu es confiant que les Marquis vont bien représenter la région au midget? Sûrement. Très confiant. Je suis même. J'en ai rencontré l'équipe hier soir après la partie pour les féliciter et tout. Puis, on a dit qu'on serait derrière eux à Sorel. Puis, qu'on voulait qu'ils nous amènent la Coupe d'or d'ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, je pense que. Ils ont de très, très, très bonnes chances. OK, OK. Est-ce que la dernière fois que c'est l'équipe Dodge, c'est qui, hein? Je pense que c'est dans le junior. Je ne sais pas si le midget Saint-Félicien a réussi. Je sais Saint-Félicien. Non, Saint-Félicien n'a pas réussi. Bon, je pense que la dernière fois, c'est une équipe junior qui l'a remporté. Ou non, c'est les Marquis encore une fois. Hein? Ça doit faire un 7-8 ans de ça. OK. Puis l'an passé, si on avait remporté une des deux finales, si on gagnait une des deux finales, on remportait le gros trophée de la Coupe d'Or, la région au complet. Mm. On a les Marquis juniors ont perdu en supplémentaire. OK. Puis Saint-Félicien s'était fait battre 3-0, 4-0. OK. Fait que et du côté junior maintenant. Là, du côté junior, ça va se continuer vendredi soir. Okay. Présentement, les Éperviers sont en très bonne position en menant 3-1 dans la série. Les Éperviers jouent de l'excellent hockey, du très bon hockey. Puis, je pense, c'est encore beaucoup de monde les voit la Coupe Dodge, mais si on sait jamais, tu sais, les Marquis peuvent revenir de bord. Si la partie est finie vendredi, si les Marquis l'emportent, c'est 3-2. Mm-hmm. Là, la pression va peut-être tomber un peu sur les Éperviers parce qu'ils vont faire presque obligés de gagner chez eux pour ne pas revenir à Jonquière dimanche. Donc, la partie est très importante. Okay. On a bien hâte de voir, pas demain, vendredi, excuse. On a bien hâte de voir, mais les Éperviers sont prêts, puis les Marquis, ils ont été chauffés par Robert Val, puis on dirait dans le bon langage, OK? Robert Val a peut-être donné un bon coup de main aux Éperviers. OK, bon, c'est bien ça. Donc, ça se poursuit demain. Pierre, ça fait pas mal de tour pour cette semaine? Oui, c'est pas mal. Puis, la semaine prochaine, on finalisera la saison. Ça va être encore une deuxième saison. Puis, je pense que ça a très, très, très bien déroulé. Ben oui. Après ça, on va aller aux provinciaux. Puis, on va voir ce qu'on va faire pour le plus tard. OK, Pierre Guy, un gros merci. On s'en parle. Merci, Danny. Le président de la GMS, Pierre Guay, on rappelle que cette chronique est une commandite d'identification sport. Donc, pour tous vos besoins, on appelle identificationsport.com.